Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Fred dans le rôle d'Atlan, Mario Fecteau dans le rôle de Wesley et Christian Martin à la narration. Épilogue. Atlan repoussa les dossiers qui encombraient son bureau et lança dans le communicateur « Faites entrer, Mazas Pavel. »« Bien, Lord Amiral. » La porte s'ouvrit et un planton apparut avant de s'effacer pour livrer passage à la jeune femme. Le patron de l'OMU l'accueillit avec un large sourire. « Ma chère Mazas, je suis bien content de vous voir après tout ce qui vous est arrivé à la suite de votre mission sur Delia, que je croyais plutôt tranquille. » Mais asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'installa confortablement dans le fauteuil qu'il lui désignait. L'arconide se leva et s'approcha d'un petit meuble situé à sa droite. Il ouvrit un battant, découvrant un ensemble de verres et de bouteilles. « Pendant que vous me raconterez vos aventures, une dose de Vurgus sera sans doute la bienvenue. C'est en tout cas ce que ne manquerait pas de clamer Bouly, je veux dire le maréchal Boule, dans les mêmes circonstances. » Comme elle l'approuvait en riant, il remplit deux verres de la liqueur verte les glissa dans le bac de réfrigération instantanée et le retira tout givré la seconde d'après. Quand ils eurent bu la première gorgée, Atlan reprit. « Je connais bien entendu les grandes lignes de l'affaire, mais je compte sur vous pour m'en donner les détails. » Pendant plus d'une heure, Mazas raconta son odyssée et celle de l'équipage du Pierre le Grand. Parfois, son interlocuteur coupait son récit pour réclamer une précision. Si vous aviez vu la tête du commodore de la flotte Aconide lorsque les nefs composites des Bioposis ont surgi de leur transition hyperspatiale, je vous ai d'ailleurs apporté une copie de l'enregistrement. J'imagine sans mal sa réaction et je prendrai plaisir à regarder sa déconfiture. Elle lui tendit un petit disque et poursuivit. « J'ignore si vous savez que j'ai croisé, pour mon bonheur, une forme d'intelligence indigène sur Aubioche. »« Une sorte de loutre, je crois. »« Oui, Yohop, si tant est que ce soit son nom. L'émir l'a sondé, mais l'individu semble être le seul de sa race à avoir développé des facultés de compréhension ou de discernement. »« D'ici quelque temps, j'enverrai une mission pour observer votre petit protégé et sa tribu. » S'il le faut, nous leur fournirons ce qui peut être nécessaire au développement de leur intelligence. Merci d'avance. Cependant, j'ai encore quelques informations. Tout d'abord, Rumla a retrouvé sa famille, et personne ne lui en veut de sa trahison forcée. La plupart des gladiateurs ont refusé de rentrer chez eux, et ils ont proposé leur service au Rorak Bactoral pour la défense de Delia pendant les temps d'hibernation. Voilà qui est parfait. Cela nous évitera de conserver une garnison importante sur leur planète. Après les contrats d'assistance et de commerce que je viens de signer avec leur gouvernement... Donc, Delia fait sécession avec les systèmes solaires de la constellation du Centaure? Oui. Et il ramène avec lui quelques mondes de la frange qui ont été déçus par le comportement des dirigeants de la Fédération envers les Déliens. Voilà une bonne nouvelle pour l'OMU. Effectivement. Mais vous ne m'avez rien dit de votre ami Arx. C'est un phénomène, n'est-ce pas? C'est le terme exact. Toutefois, il va peut-être parvenir à canaliser son individualisme forcené, puisqu'il a proposé ses services et a été accueilli dans le bataillon extraterranien qui vient d'être créé par les mercenaires de Karzak. Votre père n'en a pas voulu au sein de son équipe? Elle éclata de rire. Avec mon frère John, l'entente n'aurait pas duré une journée. Il se serait massacré avant. À moi de vous donner quelques nouvelles. Tout d'abord, le lieutenant Carlo Dobar a subi avec succès une greffe du bras et sur la demande de Melbar Kassom a été promu capitaine. Il le mérite bien. Quant à votre amoureux transi, Stevomirir V, il devrait toucher son cœur de Fomalo II dans les jours qui viennent. Pourquoi dites-vous mon amoureux transi? Parce qu'il est de notoriété publique qu'il soupire après vous depuis votre mission sur l'Upus 4. Et les péripéties qui en ont découlé. Elle rougit légèrement et murmurant secouant la tête d'un air dubitatif, Notoriété publique ? Atlan rit de bon cœur avant de conclure. Une fois de plus, vous avez mené à terme la mission que je vous avais confiée. Et même bien au-delà, puisque nous avons pu mettre la main sur le mystérieux Laritilco et récupérer la planète Oobiosh au sein de l'Organisation des Mondes Unis, tout en posant un premier pied dans la Fédération du Centaure grâce au contrat avec Delia et ses partenaires. La chance a aussi joué un grand rôle dans cette aventure. Sans doute, mais il faut savoir la provoquer. Et pour cela, vous êtes experte. Comme elle se levait pour prendre congé, le Lord Amiral la raccompagna jusqu'à la porte. Et au moment où elle s'en allait, il ajouta « J'ai failli oublier de vous présenter les respects du colonel Ternay, que vous avez apparemment subjugué. » Un bien brave homme. Oui, et qui fait à nouveau route vers Carcel 3, à bord de son Pierre le Grand, pour y déposer le pirate Lougarn, un peu abîmé par Belbar, et ses complices. En somme, tout est bien qui finit bien.